Zina, zina, zina, zina, zina, zina. Yo, zina, o ebie, bapasyo yo. Zina, zina. Zina, zina, Toco Domingos, Aubert Villiers, France Paris. Ah, boy, bien, caca. Voilà, moi. Mwana ezena ezena na lula présence fait des marches na ye mwana moke ezena ezena petit atarke zelena bona ekoleli bonzenga na kobenga français baboti baye baye bitoko domingos zena nana. Zena nanga, zena zena nanga, ozokisinga pota na motema na.